Entrez dans la ronde des écrivains. Entrez dans un monde où tout est vain, où l'on fait passer la littérature pour de la littérature, où l'on produit à grande dose d'eau de vie, des romans à l'eau de rose. Entrez dans la ronde des écrivains, entrez dans le monde de leurs écrits vains, souvent le meilleur de leurs personnages s'inspire de leurs femmes de ménage. Et pour donner une note de vécu, ils puisent dans leurs propres histoires de cul. Pendant ce temps-là, il faut que ça tourne, c'est comme une valse et on y retourne. Mais n'est-ce pas un brin ironique de faire des chiffres avec les lettres? Mais n'est-ce pas un brin ironique de faire des chiffres avec des hommes de lettres? Entrer dans la ronde des écrivains, où l'on édite à coups de pot de vin des romans de gare qui, dès le début, méritent de finir au rebut, qui, au lieu de transporter railleux, prendront une seule direction, le broyeur. Entrez dans la ronde des écrivains qui, bien souvent, sont tout aussi vains, et dans la course aux belles dédicaces, à ceux, à la gloire et aux photographes. Mais le plus prisé des itinéraires, c'est encore d'avoir un prix littéraire. Vous aussi devenez écrivain, vous aussi faites des écrivains. Je suis l'ami d'un grand éditeur, je suis célèbre, je suis acteur. On me recommande, il faut méditer. Voilà comment ça marche, je vous laisse méditer.